Il en a fait de belles, le juge Bruguière. C'est ce qu'on a dû penser dans les milieux feutrés de la diplomatie, en prenant connaissance de la décision du magistrat de délivrer 9 mandats d'arrêt internationaux contre des proches du président rwandais Paul Kagame, tous accusés d'avoir perpétré l'attentat contre l'avion du prédécesseur de ce dernier, Juvénal Habyarimana. Le magistrat n'en est d'ailleurs pas resté là, puisqu'il a estimé que Kagame, malgré l'immunité due à sa qualité de chef d'État, devrait être lui-même traduit devant le TPIR, c'est-à-dire le Tribunal pénal international pour le Rwanda. On sait ce qu'il était devenu. Fâché, très fâché, le président rwandais a rompu avec Paris et notre ambassadeur à Kigali a dû faire ses valises. Mais il est vrai que beaucoup de dirigeants de pays pseudo-démocratiques ont du mal à croire que la justice puisse être indépendante du pouvoir politique. Alors, pourquoi ces mandats d'arrêt et ces graves mises en cause? C'est la conclusion logique de l'enquête menée par Bruguière à la suite de la plainte déposée par la famille de l'un des pilotes français de l'avion présidentiel. Mais le juge d'instruction a sorti ces accusations d'une analyse gravissime. Selon lui, Paul Kagame aurait pris l'initiative de commanditer cet attentat dans le seul but de parvenir au pouvoir, quitte à provoquer un véritable génocide chez les siens. Certes, ce n'est pas la première fois que Kagame est soupçonné cette affaire, mais aussi la responsabilité française dans le génocide des Tutsis par les Hutus, ont d'ailleurs récemment provoqué une intense polémique. Certains, tels Pierre Péan, en tenant pour l'innocence de nos dirigeants, d'autres, surtout représentés par des ONG, accusant Paris d'avoir aidé, sinon soutenu, les génocidaires. Avec M. X, nous avons déjà longuement évoqué ce sujet, mais nous avons pensé que cette affaire, embrouillée et confuse, méritait qu'on y revienne, ne serait-ce que pour essayer d'y voir plus clair et de dégager quelques vérités. Si vous en êtes d'accord, enfin, avant de voir dans quelles conditions l'avion présidentiel rwandais a été abattu par deux missiles et pourquoi, on pourrait commencer par un historique du Rwanda où coexistent deux ethnies rivales, les Tutsis et les Hutus. Bon, d'accord, mais rapidement. C'est en 1959 qu'on assiste aux premières émeutes raciales. Les Hutus, avec la bénédiction des autorités coloniales belges, s'en prennent violemment aux Tutsis, dont certains sont chassés vers l'Ouganda. Mm-hmm. Des milliers d'autres sont massacrés. Et à partir de ce moment, on assistera dans le pays à de brusques et régulières flambées de violence entre les deux communautés. Ouais. Et alors, mais quand l'indépendance arrive, alors, que se passe-t-il? Bah, c'est un président Hutu qui est élu. Ouais, ce qui est normal, puisque les Hutus sont largement majoritaires. Ouais, ouais, mais enfin, une dizaine d'années plus tard, ce président est victime d'un coup d'État. Quoi, il est chassé par les Tutsis? Ah non, non, par un autre Hutu originaire des régions du Nord, le général Juvénal Habyarimana. Ouais. Celui qui trouve la mort en 1994. En tout cas, bon, la question ethnique est donc au centre de l'histoire du Rwanda. Ah oui, un véritable poison. À l'intérieur, les Hutus au pouvoir se radicalisent et institutionnalisent le racisme anti-Tutsi, tandis qu'à l'extérieur, les Tutsis réfugiés en Ouganda s'organisent militairement et font de fréquentes incursions au Rwanda. Alors, et la Belgique, là, l'ancienne puissance colonisatrice? Oh, elle se désengage progressivement, même si l'Église catholique belge, très favorable à la majorité Hutu, reste influente dans ce pays. En octobre 1990, des Tutsis, regroupés au sein du FPR, le Front Patriotique Rwandais, attaquent au nord du pays. Mmh. Ils viennent d'Ouganda? Oui, ils ont d'ailleurs participé militairement à la guerre civile qui a porté au pouvoir le nouveau président ougandais, Yoweri Museveni. En retour, celui-ci n'a pas ménagé ses encouragements et son aide à ses alliés qui entendent renverser le gouvernement rwandais. Ouais. Alors, en 1990, c'est bien ça, mm-hmm. C'est donc une véritable guerre qui commence. Et le FPR est un ennemi redoutable. Ses troupes sont bien formées, bien armées. Et pour la première fois, la menace est vraiment sérieuse. Le président Habyarimana prend peur. Lorsque l'offensive du FPR est déclenchée, il est en voyage aux États-Unis. Au lieu de rentrer directement chez lui, il fait un détour par l'Europe. Pourquoi? Pour demander de l'aide? Mais bien entendu. Ouais. Oui, mais à qui peut-il s'adresser? Bah, d'abord à la Belgique, presque naturellement. Ah, oui. Le roi Baudouin prête une oreille favorable aux demandes du président Habyarimana. Et les parachutistes belges s'envolent pour le Rwanda. Toutefois, leur mission est limitée. Ils doivent évacuer les expatriés. Ouais, les citoyens belges installés là-bas. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ça, c'est souvent un prétexte hein, pour intervenir directement dans un conflit intérieur. Hein. Ouais, vous avez raison. Les interventions humanitaires ont parfois bon dos. Cependant, les Belges s'en tiennent à leur mission. Et leurs 400 militaires repartent dès qu'ils ont accompli leur tâche. Alors, Habyarimana s'adresse à la France. Ouais. Pourquoi la France, là ? En 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, un accord de coopération militaire a été très discrètement signé avec le Rwanda. Et Habyarimana demande à Paris de respecter ses engagements. Toutefois, jusqu'en 1990, la France ne s'est pas vraiment intéressée au petit Rwanda. Mais quand le président Habyarimana s'adresse à son homologue français... Mitterrand, hein ? Oui, l'Élysée, voilà une occasion de s'implanter enfin dans l'Est africain et d'agrandir sa sphère d'influence sur le continent. D'autant que le Rwanda est francophone. Et que l'agression, selon le terme consacré, est opérée depuis un pays anglophone. L'Ouganda. Oui. Et certains n'hésitent pas à affirmer que derrière les Tutsis du FPR, il y a la main de la CIA. Les Américains qui auraient voulu, eux aussi, prendre pied en Afrique. Et c'est sérieux ? Pourquoi pas ? Par ailleurs, et ça mérite d'être pris en considération, François Mitterrand connaît bien Juvénal Habyarimana. On a même prétendu que leur fils était ami. Jean-Christophe Mitterrand ? Oui, celui qu'on a baptisé de façon ironique Papa Madi, et qui est alors en charge de la cellule africaine de l'Élysée. Mais il faut quand même faire la part de la rumeur. Oui, mais cette amitié supposée là ne suffit pas à expliquer l'intervention française. Bien sûr, mais il faut aussi rappeler que le président Habyarimana a été l'un des chefs d'État africains qui a chaleureusement applaudi le fameux discours de Mitterrand au sommet de la Baule en juin 1990. Ah oui, le sommet franco-africain au cours duquel le président français a demandé aux dirigeants d'Afrique hein, de faire progresser la démocratie sur le continent. Et d'en finir avec les partis uniques. Ouais. Oui. Donc, à la Baule, Mitterrand a été favorablement impressionné par Habyarimana, qui était par ailleurs un homme cultivé. Alors, lorsque le président rwandais l'appelle au secours, Mitterrand réagit aussitôt et ordonne aussitôt l'envoi de parachutistes français au Rwanda. C'est ce qu'on va appeler l'opération Norrois. Elle a aussi le prétexte est humanitaire. Évidemment, il faut protéger les Français et les Belges. Mais ce prétexte ne fera pas longtemps illusion. Les para-français, presque 600 hommes, sont bien là pour soutenir l'armée rwandaise qui se bat contre les troupes tutsis du FPR. Paris considère donc qu'il s'agit d'une agression extérieure. Absolument. Pour l'Élysée, qui pilote en direct l'opération Norrois, le Rwanda est attaqué. Pourtant, ces Tutsis là qui vont attaquer, ce sont des Rwandais qui ont été chassés de chez eux par le racisme Hutu. Oui, mais à Paris, on ne veut pas en tenir compte. Les Hutus sont largement majoritaires dans le pays. Donc, le gouvernement du président Habyarimana est légitime. Quant aux autres, les Tutsis du FPR, le chef d'état-major particulier de Mitterrand n'hésitera pas à les traiter de Khmer noir. Mais est-ce qu'à Paris, enfin, on se rend compte que cette intervention militaire de la France risque d'envenimer la situation ? Eh bien, je ne crois pas. Et pourtant, très tôt, notre ambassadeur à Kigali met en garde l'Élysée en affirmant qu'un conflit ethnique de grande ampleur peut éclater à tout moment. Alors, Mitterrand n'écoute pas ? Non, il pense au contraire que notre intervention militaire contiendra les risques de conflit. Et qu'un jour ou l'autre, grâce à la France, les adversaires se rencontreront autour d'une table de négociation. Et pourtant, sur place, de nombreux signes indiquent que l'époque n'est pas à l'apaisement. Par exemple, les para-français sont à peine arrivés sur place que le pouvoir rwandais se livre à une véritable provocation. Il met en scène une fausse attaque de la capitale, Kigali, et il en profite pour organiser une vaste campagne d'arrestation, campagne suivie par de nombreux massacres de civils. Des massacres dont les Français, là, les militaires français, sont témoins. Et il leur est difficile de les ignorer. Hein. Et à Paris même, enfin, personne ne tente de s'opposer à l'intervention militaire ? Pas vraiment, non. Le Rwanda n'intéresse pas grand monde. Et même si les ministres concernés, enfin ceux de la Défense et des Affaires étrangères, ne sont guère enthousiastes à l'idée de voir le contingent français demeurer sur place, cette affaire ressort du domaine réservé du président de la République. Oui. Mais que font nos soldats au Rwanda ? Est-ce qu'ils sont directement impliqués dans les conflits ? En principe, non. Paris a même exclu toute présence active dans la zone des combats. Mais il y a la réalité. On a vu des militaires français piloter des hélicoptères de combat rwandais, mener des actions de reconnaissance en profondeur ou faire la police à Kigali. D'autres soldats présents sur le front ont par exemple réglé la hausse des pièces d'artillerie. Bien sûr, au dernier moment, ce n'est pas l'artilleur français qui tirait. Quelle est la différence ? Toutefois, l'aspect le plus important de cette coopération militaire, c'est la formation. Voilà, la formation des soldats rwandais. L'armée rwandaise, en 1990, ne compte que quelques milliers de soldats et pas très motivés et guère entraînés. Paris décide donc de prendre les choses en main. Des officiers instructeurs sont envoyés au Rwanda et l'armée rwandaise voit ses effectifs grossir dans des proportions considérables. En 1992, il y aura jusqu'à 50 000 soldats rwandais. Ouais, mais enfin ça c'est la quantité, mais la qualité... Bah, écoutez, je ne veux pas être condescendant, mais cette armée n'était pas fameuse. Et à chaque fois que les rebelles du Nord ont attaqué, le soutien militaire français a été indispensable. Alors ça signifie que nous étions, nous Français, de plus en plus engagés. Hein? C'est juste, oui. Mmh. Naturellement, cette assistance militaire s'accompagne de livraisons d'armes et de matériel. Des missiles, des hélicoptères, des pièces d'artillerie. En grande quantité? Oui, on doit même puiser sur les stocks de l'armée française pour approvisionner le Rwandais. Mmh. Et alors, ces livraisons-là, sont-elles officielles? Certaines le sont, d'autres beaucoup moins. Si bien qu'il est très difficile de chiffrer exactement le montant total de ces livraisons. Comme toujours dans ce genre de conflit, il y a des intermédiaires et des filières plus ou moins clandestines. On a par exemple beaucoup parlé de Paul Baril, devenu le conseiller officieux du président Habyarimana. Roger Faligo et Jean Guinel viennent de publier un ouvrage très complet sur l'histoire secrète de la Ve République. Ils consacrent naturellement un gros chapitre aux relations de la France avec le Rwanda. J'en extrais ces quelques lignes. François Mitterrand a été séduit par les analyses voyant dans le Rwanda et dans son président un îlot de résistance à l'expansionnisme anglophone dans la région des Grands Lacs, attitude que l'on symbolise souvent comme le complexe de Fashoda. Alors, il ne ménage pas son soutien à Habyarimana, cherchant toutefois à le convaincre, mais sans aucun succès, de la nécessité d'engager un processus de démocratisation. Le livre de Faligo et Guinel, un ouvrage collectif, est publié à la Découverte. Cette guerre se traduit par un véritable désastre humanitaire. Au nord du pays, des centaines de milliers de Hutus fuient leur village menacé par les Tutsis du FPR et qui attaquent depuis leur base arrière ougandaise. Et ces pauvres gens viennent s'entasser à Kigali. Mais dans le reste du pays, on assiste à de nombreux massacres. Mais alors, comique par qui, ça ? Des groupes extrémistes Hutus, certains appartenant directement au parti du président Habyarimana. Mmh. Alors, une nouvelle fois, je vous demande, ces massacres, sont-ils connus des militaires français présents sur place? Comment pourrait-il en être autrement? En 1992, le numéro 2 du parti de Juvénal Habyarimana prononce un discours terrifiant. Il engage ses partisans à exterminer les familles des Tutsis engagées au FPR. Celui à qui vous n'aurez pas tranché la tête sera celui qui tranchera la vôtre. Ah oui, ça c'est explicite. Donc, nous Français, nous savons. Oui, je peux vous confier que la DGSE envoie des rapports très précis à Paris. La DGSE, c'est le service de renseignement. Hein. Absolument. D'autre part, la réalité de ces massacres de Tutsis est établie par une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme. Son rapport évoque de façon très lucide la probabilité d'un génocide. Un an plus tard, en 1993, une mission des Nations Unies émettra le même pronostic. Alors comment expliquer ce qui paraît quand même être l'aveuglement français? Abandonner le Rwanda, ça aurait été reconnaître que depuis 1990, notre pays faisait fausse route là-bas. Et puis, le président Mitterrand ne désespérait pas d'obtenir un accord politique entre les belligérants. Il pensait qu'il était le mieux placé pour faire pression sur Habyarimana et l'amener à la table de négociation, afin d'aboutir à une représentation plus juste des ethnies au sein du gouvernement. Est-ce que cette négociation, souhaitée par Mitterrand, a eu réellement lieu? Elle s'engage en janvier 1993 en Tanzanie, à Arusha, exactement. Un accord est signé entre le FPR et le gouvernement de Kigali. Sous la pression de la France? Naturellement. Mais Habyarimana le remet presque aussitôt en cause. Et pourquoi alors? Parce qu'il ne veut pas partager le pouvoir avec des Tutsis. Et il a l'impression que cet accord, lui, a été imposé et qu'il a été placé devant le fait accompli. Oui, alors la guerre recommence. Et un instant, on pense même que les troupes du FPR vont s'emparer de Kigali. Alors, comme d'habitude, Habyarimana fait appel à la France. Et Mitterrand envoie 150 hommes du 21e régiment d'infanterie de marine qui doivent agir en soutien arrière de l'armée rwandaise. Est-ce que ça suffit, ça, cet envoi de soldats, à juguler l'offensive des Tutsis du FPR? Non. Non, la situation devient de plus en plus périlleuse pour Habyarimana. D'autant que le FPR est maintenant soutenu par 5 bataillons ougandais. Alors là, on peut vraiment parler d'agression extérieure. Hein. Et ça détermine l'Élysée à envoyer de nouvelles troupes au Rwanda. Au total, il y a maintenant 700 militaires français là-bas. Et il est de plus en plus difficile de se désengager, parce qu'on peut craindre des massacres de Hutus par les Tutsis. Alors Mitterrand pense à l'ONU, puisque désormais l'Ouganda est entré officiellement dans le jeu. Et effectivement, le Conseil de sécurité adopte une résolution prévoyant le déploiement d'une force de contrôle. Ah, une force qui remplacerait les troupes françaises. C'est ça, hein. Oui, mais sur ces entrefaites à Paris, une nouvelle cohabitation commence. Ah oui, avec Édouard Balladur comme Premier ministre. Et François Léotard comme ministre de la Défense, oui. Et ça, ça change quelque chose dans la gestion de la crise rwandaise? Balladur et Léotard, à l'inverse du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, sont partisans de renforcer encore notre contingent au Rwanda. Pourquoi? Eh bien parce que, comme trop souvent, l'ONU tergiverse et tarde à envoyer des casques bleus. Et Mitterrand, lui? Ben, il partage plutôt l'avis de Juppé. Il trouve qu'on est trop engagé. Ben oui, mais c'est quand même lui le principal responsable de cet état de choses. Ben, certainement. Toutefois, on n'aura pas besoin d'envoyer de nouvelles troupes parce que, soudain, la tension décroît. Et le FPR dessert... Le FPR, c'est les Tutsis, hein? Toujours, oui. Le FPR dessert donc son étreinte et les belligérants retournent à la table de négociation, toujours à Arusha. Mm-hmm. Et alors, un nouvel accord est conclu? Oui, en août 93. Cet accord prévoit la transition démocratique, la fusion des deux armées belligérantes au sein d'une armée nationale et l'envoi sur place des forces de l'ONU. Ce sera la MINUAR, mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, et elle comprendra 2500 hommes. Oui, mais les troupes françaises... Elles quitteront le Rwanda dès que les troupes de l'ONU débarqueront. Seuls resteront officiellement quelques conseillers militaires. Cependant, malgré l'accord d'Arusha, des armes continuent à parvenir aux Hutus de l'armée rwandaise. Clandestinement? Ce sont malheureusement souvent des Français qui sont à l'origine de ces livraisons. Ainsi, à la fin de l'année 93, on note un peu partout dans le pays que se sont constitués des groupes d'autodéfense Hutus qui reçoivent des armes neuves, machettes, fusils d'assaut, grenades. D'autre part, une radio, la tristement célèbre radio des Mille Collines, ne cesse de lancer sur ses ondes des appels à la haine contre les Tutsis et à l'extermination de l'ennemi intérieur. L'ennemi Tutsi. Ouais. On peut donc penser que le calme qui a suivi les accords d'Arusha est précaire, très précaire. Et qu'il suffira d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Ouais. Ouais. Eh ben, l'étincelle, ça va être l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Eh oui, c'est en effet le signal qui déclenchera le génocide. Seulement une heure après l'attentat. Mm-hmm. Ça montre bien que tout cela n'était nullement spontané. Et l'attentat et le génocide. Alors, expliquez-moi alors. Kangura était un journal rwandais à la solde des Hutus les plus fanatiques. Un torchon suant la haine. Or, en décembre 1993, 4 mois donc avant la mort de Habyarimana, son rédacteur en chef prédit que le président rwandais mourra avant le mois de mars 1994. Troublant, non? Ah oui, oui, c'est... Un mois plus tard, il ajoute une autre prédiction. D'après lui, la guerre va reprendre. Il faudra massacrer avant d'être massacré et beaucoup de sang sera versé. Ah bah c'est quasiment ça, l'annonce du futur génocide. Hein. Ça y ressemble, en effet. Autre indice étonnant. Le commentateur de la sinistre radio des Mille Collines, ainsi appelée Radio Machette, annonce le 3 avril, 3 jours avant l'attentat, que les 4 et 5 avril, les esprits vont s'échauffer. Le 6, il se produira quelque chose. Et les 7 et 8 avril, on assistera à des événements importants. Mmh. Alors, selon vous, la Radio Machette, c'est ça, prédit donc la mort du président et le génocide. Ça me paraît clair. Or, ne l'oublions pas, Radio Machette est la radio des extrémistes Hutus. C'est elle qui, pendant le génocide, ne cessera d'appeler les auditeurs à massacrer les Tutsis. Alors ça signifie que ces extrémistes auraient pu être les initiateurs de l'attentat. Pourquoi pas? Car ces Hutus fanatiques accusaient le président Habyarimana d'avoir cédé aux Tutsis du FPR lors des négociations d'Arusha. Toutefois, il est évident que la faction qui avait le plus intérêt à se débarrasser du président était le FPR Tutsi de Paul Kagame. L'ennemi naturel. Oui, mais alors, en tuant Habyarimana, Kagame prenait le risque insensé de provoquer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts dans sa propre ethnie. Eh bien, c'est ce que prétend le juge Bruguière. Ah oui. Alors, prenons les choses par un autre bout. Mmh. Qui avait la possibilité matérielle de tirer un missile, ou deux je crois, sur l'avion du président rwandais? C'est effectivement très intéressant. Les soldats du FPR, formés par des Américains, étaient incontestablement capables de tirer un missile sol-air. Mais il leur fallait aussi accéder à la zone d'où on a tiré ces deux missiles. À proximité de l'aéroport, hein, c'est ça. Hein. Oui. Or, cette zone était contrôlée par les forces armées rwandaises. Des Hutus, donc. Les Tutsis auraient dû alors infiltrer un commando dans un secteur hostile. Et ça, ça vous paraît impossible? Non, bah non, rien n'est impossible à des gens déterminés et bien entraînés. En tout cas, c'est l'une des conclusions de l'enquête du juge Bruguière. Un missile sol-air tiré par des membres du FPR proches de Paul Kagame. Mmh. Et les Hutus, alors, formés par les Français, hein, étaient-ils en mesure de tirer un missile? Eh bien, tous les experts militaires qui se trouvaient sur place affirment que non. C'est-à-dire que les Hutus n'en avaient pas la, comment, la capacité technique? Oui, c'est bien ce que je veux dire. Mais ils auraient pu se faire aider. Fin 1997, un petit livre intitulé de façon provocatrice « Rwanda, un génocide français » est paru aux éditions L'Esprit Frappeur. L'auteur Mehdi Ba écrit ceci, page 50, à propos des deux missiles tirés contre l'avion du président rwandais. Les missiles de modèle SAM-16, série Gimlet, auraient été récupérés par la France pendant la guerre du Golfe sur un stock de l'armée irakienne. Monsieur Reitkens, un universitaire belge, après avoir récupéré un rapport des FARC, les forces armées rwandaises, mentionnant les numéros de série de lanceurs trouvés par une patrouille à Masaka, lieu probable du tir, a obtenu le tuyau d'une source britannique bien informée et affirme avoir pu le recouper par la suite. Curieusement, il ne voit dans cette information inédite aucune présomption particulière que Paris ait pu être impliqué de près ou de loin dans l'exécution du président rwandais. Alors, des Hutus, aidés par qui? Des Blancs ont été aperçus par plusieurs témoins dans un véhicule à proximité du lieu où ont été tirés les missiles. Or, ils avaient l'air très pressés. Ah oui, ils auraient donc pu être les tireurs de ces missiles? C'est tout à fait possible. Autre point qui n'a jamais été éclairci. Deux sous-officiers français appartenant au DAMI, c'est-à-dire le détachement à l'assistance militaire et à l'instruction, ont été assassinés tout de suite après l'attentat contre Habyarimana. Ouais, mais quel rapport, là, entre ces deux assassinats et notre affaire? Eh bien, l'une de vos consoeurs, une journaliste belge, a lancé un vrai pavé dans la mare en prétendant que c'était justement des militaires du DAMI qui avaient tiré les missiles. Une version, disons-le tout de suite, qui est formellement démentie par les témoins entendus par le juge Bruguière. Ouais, attendez, des témoins crédibles? Bah, plus ou moins, car ils n'ont pas été des témoins directs. À l'exception de l'un d'entre eux, un lieutenant du FPR aujourd'hui exilé. Un Tutsi donc. Et qui affirme non seulement avoir été informé du projet d'attentat, mais avoir aussi croisé sur un chemin quatre de ses collègues près du lieu où les missiles ont été tirés. Mmh. Alors, cet officier accuse les siens et par conséquent Kagame, car si telle est la vérité, hein, une décision aussi importante a dû être prise au plus haut niveau. Bien entendu. Mmh. Mais officiellement, comment réagit Paris alors que les premiers massacres commencent? Vous m'avez dit une heure seulement après l'attentat. Hein. On a l'impression que Paris tarde à prendre une décision. Mais est-ce qu'à Paris, justement, on mesure l'ampleur du génocide? Oui, oui, oui. Car très vite, des associations humanitaires donnent l'alerte. Mais la France se préoccupe d'abord d'évacuer ses ressortissants et aussi la famille et les proches du président Habyarimana. Et parmi eux se trouvent des gens qui n'ont cessé d'appeler à l'extermination des Tutsis. Ouais. On continue donc d'appuyer les Hutus. Hein. Bah, c'est l'impression que ça donne. Et fin avril, alors que des centaines de milliers de Tutsis ont déjà été massacrés, des responsables de ce gouvernement intérimaire rwandais sont reçus officiellement à l'Élysée et Matignon. Mais la France n'est pas la seule coupable. C'est toute la communauté internationale qui semble frappée d'aveuglement. Et les Nations Unies? Bah, les Nations Unies aussi. Écoutez bien. Premier acte, le 12 avril. 5 jours plus tôt, 10 casques bleus belges ont été assassinés. Bruxelles décide de rapatrier son contingent, affaiblissant du même coup la mission des Nations Unies. Ouais, là, comment vous appelez ça? La MINUAR. Là. La MINUAR qui aurait pu s'interposer et empêcher certaines tueries. Ben oui, mais qui ne l'a pas vraiment fait. Les massacres ont commencé alors que 2500 casques bleus se trouvaient à Kigali. Deuxième acte. 10 jours plus tard, alors que les rues de Kigali ruissellent de sang. Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution prévoyant de réduire de façon significative les effectifs de la MINUAR, alors même qu'il aurait fallu la renforcer pour neutraliser les assassins. Ah oui, mais comment expliquez-vous tout ça là ? La lâcheté. La lâcheté et la peur. Aucun État n'a eu envie d'envoyer ses soldats se faire tuer. Oui, se faire tuer en s'interposant. Oui, l'assassinat des 10 Belges a pesé très lourd dans la décision du Conseil de sécurité. Mais ce qui a été déterminant, c'est l'attitude des États-Unis. Les Américains, douchés par leur récent échec en Somalie, n'avaient pas du tout envie d'envoyer des boys au Rwanda. Et puis sans doute souhaitaient-ils qu'on laisse faire le FPR. Les forces armées tout de suite. Une intervention internationale aurait certainement gêné leur progression qui était rapide. Or, beaucoup de pays, surtout les pays anglo-saxons, souhaitaient à l'évidence la victoire du FPR. Ouais. Mais pendant ce temps-là, les Hutus continuaient à massacrer. Hein. Autre initiative regrettable, à mon avis en tout cas. Quelques jours plus tard, toujours au Conseil de sécurité, notre représentant s'oppose à ce que le massacre des Tutsis soit qualifié de génocide. Oui, mais attendez, je crois me souvenir que très peu de temps après, cette position changera. Hein. Oui, mais alors pourquoi avoir tant tardé alors que nous savions la vérité ? En fait, ce qui apparaît clairement, c'est que la France a trop longtemps refusé de cesser de soutenir ses traditionnels alliés. Les Hutus. Elle a donc, dans ce cas-là, une part de responsabilité dans le génocide. On ne peut que le regretter. Ouais. Il y aura quand même un changement de cap. Vous voulez parler de l'opération turquoise. Oui, effectivement. Mais de longues semaines se sont écoulées. Et peu à peu, la communauté internationale aura pris la mesure de l'événement. À la mi-mai, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies fait volte-face. Il est décidé d'envoyer plus de 5000 casques bleus au Rwanda. Et ce contingent de l'ONU là, va réellement partir au Rwanda ? Non. Beaucoup de pays sollicités pour fournir des troupes tergiverses. Et malgré le vote du Conseil de sécurité, les principales puissances ne semblent pas désireuses de s'engager. De longues semaines sont encore perdues. Et soudain, à la mi-juin, François Mitterrand prend la décision de faire intervenir nos troupes et de monter une opération humanitaire. Pour pallier les hésitations de l'ONU. Oui, pour lui, il y a urgence, c'est même une question d'heure. Après toutes ces semaines perdues, car il y a maintenant là, plus de 2 mois que le génocide a commencé. Alors, pourquoi cette hâte soudaine ? Je crois qu'il faut reconnaître au moins cela à Mitterrand. Les nombreux rapports qu'il a reçus sur le génocide rwandais ont dû le frapper, peut-être même le bouleverser. Il considère donc que notre pays doit en quelque sorte sauver l'honneur de la communauté internationale et prendre la décision d'agir. Ouais. Mais il y a peut-être d'autres raisons moins avouables. Oui, enfin de plus en plus. La France est accusée d'être co-responsable du génocide. Par conséquent, en organisant tout seul une opération humanitaire, notre pays veut redorer son blason. Et effacer ses fautes passées. En effet. Mais certains esprits critiques invoqueront une autre raison. L'opération turquoise n'aurait eu pour but que de permettre aux Hutus d'échapper à leurs ennemis Tutsis. Bref, la France aurait agi pour préserver de la déroute et de la prison les responsables du génocide. Oui, mais sur quelle base on a établi cette construction, cette hypothèse, si vous voulez ? Et lorsque les soldats de Turquoise arrivent au Rwanda via le Zaïre, les tueries de masse sont presque cessées. Bien sûr, ils vont sauver de nombreuses vies Tutsis, surtout dans le sud du pays, mais l'essentiel de leur travail aurait consisté à prendre en charge la majorité de la population Hutu qui fuit devant l'avance du FPR et à l'acheminer dans des camps installés à la frontière zaïroise. Ah oui, alors, et parmi cette population en fuite se cachent les assassins. Bien entendu. Ouais. D'accord, mais enfin, les Français, là, les soldats français, pouvaient-ils faire la différence entre les innocents et les victimes ? Certains, peut-être. Mais pourquoi ? Nombreux parmi ces militaires étaient des anciens de l'opération Norrois. Ils connaissaient donc les militaires et les miliciens rwandais, puisqu'ils les avaient entraînés. Oui, alors c'était les assassins. Oui, des assassins qui racontaient d'ailleurs bien volontiers les massacres auxquels ils avaient pris part. Ces aveux pouvaient être dangereux. Sans doute, mais ces Hutus avaient une entière confiance dans nos soldats, tant ils étaient persuadés que la France les avait envoyés pour les sauver et combattre les Tutsis. C'est-à-dire qu'ils pensaient toujours que la France était leur allié. Et ça en dit long sur notre implication dans ce drame. Je dois dire que cette opération turquoise sera un grand choc pour beaucoup de nos soldats. Ces militaires qui avaient déjà séjourné au Rwanda, qui avaient fraternisé avec les militaires rwandais, se rendaient surtout compte qu'ils avaient contribué à former des tueurs. Des tueurs. Mais vous pensez que l'opération turquoise dissimulait vraiment une volonté de soustraire nos anciens alliés à la vengeance Tutsi. La tentation a dû exister, car les dirigeants Hutus pouvaient être aussi des témoins très gênants. Très gênants, quoi, pour la France? Bah, naturellement. Il n'était donc pas inutile de permettre aux plus voyants d'entre eux de se cacher. Mais attention, il existe une version bien différente sur ce rôle présumé de l'opération turquoise. Les Hutus auraient majoritairement fui vers Goma, au Zaïre, en passant par un territoire non couvert par la zone de sécurité mise en place par l'armée française. Donc cette dernière n'aurait absolument pas pu protéger les assassins Hutus en fuite. Mais en tout cas, la priorité c'était l'humanitaire, comme on dit aujourd'hui. La situation est devenue rapidement catastrophique dans les camps de réfugiés installés au Zaïre, à Goma et Bukavu. La France, aidée par les ONG présentes sur place, a dû parer au plus pressé. Songez qu'à un moment, on comptait 5000 morts par jour dans les camps. Alors, on ne peut pas nier l'aspect humanitaire de l'opération turquoise. Et ouais. Puis réfléchissez, que se serait-il passé si nos soldats n'avaient pas pris en charge tous ces réfugiés? Ils auraient risqué d'être massacrés à leur tour par les vainqueurs, c'est-à-dire les Tutsis, désireux de venger leurs frères assassinés. Alors, fallait-il ne pas les prendre en charge au prétexte que parmi eux se trouvaient des tueurs? D'ailleurs, on sait maintenant qu'un autre génocide à plus petite échelle, certes, a été perpétré par les vainqueurs Tutsi. Oui, une vengeance quasi inévitable. Autre question alors. À partir du moment où les Hutus se trouvaient dans des camps de réfugiés, ben on pouvait trier le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Est-ce que ça a été fait? Pas vraiment par les Français. Il faut reconnaître que nous ne serons pas parmi les plus zélés à fournir informations et documents au tribunal pénal international qui sera installé à Arusha. À cause du passé? Probablement. De la même façon, la France ne se pressera guère de reconnaître ses responsabilités. Et vous le savez, la mission parlementaire de 1998 soulignera l'aveuglement et les incohérences de notre action au Rwanda. Mais elle déniera toute responsabilité de la France dans le génocide, ce qui semble quand même un peu paradoxal. Mmh. Est-ce que d'autres pays ont reconnu leurs erreurs dans cette affaire? Les Belges ont été les premiers. Et ils ont mis en évidence que dès le printemps 92, c'est-à-dire 2 ans avant le génocide, des informations précises leur étaient parvenues, qui faisaient état de la préparation programmée de l'extermination des Tutsis. Ah, et pendant cela, nous, on entraînait les futurs assassins. Oui, même les Américains ont fait leur mea culpa. Et Madeleine Albright a admis que Washington avait tout fait pour que le mot génocide ne soit pas employé devant le Conseil de sécurité. En effet, si le génocide avait été reconnu, l'intervention internationale aurait été automatique. Mmh. Les États-Unis se reconnaissent donc une part de responsabilité. Absolument. Alors pourquoi pas la France qui était autrement impliquée? Donc, si je vous ai bien suivi là, ben vous semblez plutôt penché du côté de la thèse de Bruyère. Hein? Pas entièrement, non. Non, car j'ai toujours des doutes. J'ai du mal à imaginer que Paul Kagame a sciemment envoyé à la mort des centaines de milliers des siens, simplement pour se donner un prétexte à intervenir militairement. Après tout, ça faisait des années qu'il combattait au Rwanda, et sans avoir besoin de prétexte. Un rappel, le livre de Pierre Péan, Noir Fureur, Blanc Menteur, a été publié par les éditions des Mille et Une Nuits.